T'es parti sans vraiment me connaître. Il n'y a pas un de mes enfants que tu aies vu naître. Pourtant, bien souvent, je leur parle de toi. Je leur raconte, toi, et ça les endort le soir au creux de mes bras. Ils t'apprennent par ma voix, te découvrent par mes souvenirs. Et moi, je me dis que j'aurais voulu ne jamais te voir partir. J'étais conne, comme une ado perdue qui voulait juste qu'on l'écoute. J'ai pas su voir tes peines, tes combats, tes doutes. J'ai appris ton enfance, et pour moi, tu seras toujours cette gamine espiègle, à l'inspire à la main, pieds nus, dans un champ couleur seigle. Je n'ai jamais su effacer cette photo de mes paupières. Elle était toi, fière, défiante, tout entière. Depuis ton absence, j'ai pas de rime pour te dire je t'aime assez souvent. Je voudrais retrouver nos fous rires, derrière nos mots mêlés, tes pièces de 10 francs, pour mes paquets de clopes planqués. Je pense aussi à toi à chaque fois que je m'entends tousser. Putain, si tu savais comme je peux te regretter. Je me dis que t'as plus mal, mais moi, je suis sûre de rien. Je sais juste comme c'était vital de t'entendre et te voir le matin. J'ai pas assez de mots pour te raconter mes pensées. J'ai pas assez d'un stylo pour tout venir te poser. T'es plus là. Et moi, je vois le vide que t'as laissé autour de moi. J'en parle pas, mais ça me bouffe à chaque pas. Je voulais que tu sois fière de moi, pas te décevoir jour après jour. Malgré toutes nos disputes, tu m'as si bien appris l'amour. Je voulais pas m'avouer qu'un jour tu partirais. Je le savais, mais je faisais comme si je l'ignorais. T'étais là depuis toujours, alors tu pouvais pas partir. Tu vois, même quand on sait, parfois, on a que de l'ignorance à offrir. Maintenant, je suis là, et tu me manques à chaque étape de mon parcours. Même tes réflexions assassines, je donnerais n'importe quoi pour les entendre à nouveau dans mes jours. Mais je reste forte, puisque tu m'as aussi appris la dignité. Et tu vois, malgré les années, j'ai pas accepté de te dire au revoir sans que tu puisses parler. De te voir là, étendu, ton corps frêle devant moi, mais merde, je peux pas, je peux plus. Tu me manques et j'ai encore tant de choses à dire. J'ai pas assez de place sur les petites feuilles que je tente de noircir. C'est pas assez grand, et j'en ai même envie de hurler, envie de te hurler un je t'aime que t'entendras jamais. Envie de laisser couler les larmes que je retiens, même s'il y a que moi qui les verrais. Envie de craquer le silence et te retrouver devant moi. Tu me manques. Tu me manques aussi fort que toi, t'avais besoin de ton oxygène. Tu me manques et tout est trop petit, même mes poèmes. Il manque tes yeux, tes regards, même plein d'accusations. Il manque nous deux, entre partage de haine, d'amour et d'émotion. Il manque ta douceur et tes câlins si rares. Il manque tout ce qu'on était et toutes tes histoires. Il manque tes souvenirs, racontés du fond de ton fauteuil, qui m'ont fait rêver pendant des heures. Il manque tes conseils pour rassurer mes peurs. Tu me manques et j'en ai marre de ce marbre devant moi. Il y a ton nom d'écrit, mais pour moi, ça sera jamais toi. Comment tu veux que j'accepte ton absence? Je m'en suis jamais remise, même si je garde le silence. Je suis pas rentrée dans le jeu des grands pleurs, et comme toi j'ai tout caché, bien gardé à l'intérieur du cœur qui t'a menti à gorge déployée. Aujourd'hui j'ai besoin de te déposer un hommage, et je me demande où en était ta vie quand tu avais mon âge. T'étais maman aussi, ça je le sais bien. Alors dans ma mémoire, je cherche le souvenir de ce que tu as pu me dire, sans prévoir le lendemain. Tu m'avais toujours conseillé de vivre ma vie et d'en profiter. Alors moi je t'écoute, depuis le fond de mes pensées. Tu vois, même si tu m'entends pas, moi, je peux pas t'oublier. Je te garde comme un trésor à mon cœur enchaîné. Je t'aime, et je regrette de pas te l'avoir dit plus souvent. Et surtout, je te demande pardon, mais j'étais encore une enfant.